vivre en été, regardez mon cas de critiquer. Ouais, on va progresser, yo même y'a bébétisé. Tout qui fait mon ça yo contrôlé, ou quand même vine de la la. Mon ça yo c'est pour ça yo, yeah, yo pas même ouais tête pas yo. Regardez mon cap et critiquer. Ouais, on va progresser. Yo même y'a bébétisé. Si on quitte mon ça yo contrôlé. Ou quand même vine de la la. Mon ça yo c'est pour ça yo, yeah. Yo pas même ouais t'es yo. Deschamps. Si on dit là le palais de Lionel Deschamps. C'est nous qui fait l'actualité, c'est nous-mêmes qui avons produit. C'est où y'a qu'à parler de nous, dans la rue, dans la télé, dans le journal, dans la radio, tout côté. Son qu'elle est qu'à parler de Tico Pascal. Son qu'elle est qu'à parler de Tipolis. Son parler de qui Gabriel de Leroy Letienne. Son parler d'être fasciné de Rixen. Bye-bye.